Bon vendredi à 12h30, voici ce que l'on surveille pour vous dans l'actualité. D'abord, c'est un départ pour le Grand Prix cycliste de Québec, la 16e édition. C'est sous le soleil que les 168 athlètes se sont élancés sur Grande Allée dès 11h. Parmi eux, certains des meilleurs au monde, le champion du monde Peter Sagan est là, ou encore le deuxième au dernier Tour de France, Romain Bardet. Les secteurs du Vieux-Québec, de la colline parlementaire, des plaines d'Abraham ou encore du boulevard Champlain offrent des beaux points de vue aux spectateurs. Sont moins accueillis pour les automobilistes ce matin, la circulation étant perturbée, voire interdite dans plusieurs secteurs. Et le maire de Québec, Régis Labeaume, seconde les porte-parole de l'industrie du taxi, lance un appel au calme aux chauffeurs de taxi. Plusieurs d'entre eux ont reçu comme une déclaration de guerre le projet de pilote d'un an qui a été entériné par le gouvernement. Régis Labeaume dit comprendre les revendications des chauffeurs de taxi, mais il leur conseille de baisser le ton et d'arrêter de s'opposer à tout, estimant qu'Uber est là pour rester. Le maire de Québec y a également reproché au gouvernement de demeurer très vague sur les dispositions et modalités du projet pilote, ce qui nuit, selon lui, au débat. Enfin, plusieurs centaines de travailleurs sont en grève aujourd'hui dans 4 hôtels de Québec. Des lignes de piquetage se sont dressées devant les hôtels Hilton, Delta, Pure et Classique. Réceptionnistes, portiers, serveurs et autres travailleurs de ces établissements sont en grève de 24 heures, la première d'une série de 3. Ils sont en négociation présentement au sujet du renouvellement de leur convention collective. Ils réclament des augmentations salariales, une meilleure protection d'emploi et des indemnités de vacances plus généreuse. Le syndicat qui se dit prêt à signer une entente réduite de 3 ans au lieu de 4 habituellement. Voilà pour ces KRL, c'était Dominique Lelièvre.